t'écris d'un pays tout petit, petit. Je t'écris d'un coin de ma folie. Un pays bien clos, bien vert, aux pelouses garnies de vieilles pierres. Un pays véritable autarcie, sans souci d'économanie. Un pays vraiment pas grand, occupé d'un seul bâtiment. Un immeuble très haut, très blanc, dirigé par des hommes géants. Je t'écris d'un pays pas ordinaire, où les gens ne se font plus la guerre. Je t'écris d'un pays tout petit, petit. Je t'écris d'un coin de ma folie. Un coin sombre ou isolé, auprès de ces murs grillagés. Frontière avec le monde des autos, dont le bruit couvre cet univers clos. Je t'écris d'un pays pas ordinaire, où les gens ne se font plus la guerre. Je t'écris d'un pays tout petit, petit. Je t'écris d'un coin de ma folie. Un pays pas enchanté, où tu m'as fait enfermer. Un endroit glacial, troublant. Dis-moi, qui sont les démons? Radio Dio, plus fort, j'entends rien, plus fort, j'entends rien. C'est dans le cadre de la 35e édition des semaines pour l'information sur la santé mentale que nous vous proposons cette émission. Les semaines d'information sur la santé mentale, c'est du 20 septembre au 20 octobre sur Saint-Étienne. La thématique, c'est cette année, en mouvement pour notre santé mentale. Dans le cadre de ces semaines d'information sur la santé mentale, sur Radio Dio, on vous propose deux émissions spéciales et la diffusion de deux séries documentaires sur des parcours d'usage GER tous les mardis et jeudis à 16h avec une proposition d'écoute collective à ces horaires au remue-ménage. On diffusera notamment Barge le son, 3 bouffées délirantes, 10 ans de vie, 30 carnets, réalisés par l'équipe radiophonique Mayday d'après le livre de HK. Barge, c'est un récit brut, poétique, écrit entre 1999 et 2016 par HK. Barge, c'est un journal de bord qui navigue dans les eaux du délire. À travers une histoire intime, Héloïse nous donne aussi à entendre un bout de l'histoire récente des luttes pour l'émancipation des messies et des fous folles. Dans un deuxième temps, on diffusera Bipolaire Buffol, itinéraire d'une corsée de la psyché-fiction radio. Bipolaire Buffol, c'est une fiction radio écrite, produite et réalisée par Patricia Hansen, diffusée sur Radio Campus Lille. Bipolaire Buffol, c'est un fragment de la vie d'Aurélie. À 50 ans, elle découvre sa bipolarité à la faveur d'une belle dépression, suivie d'une période d'exaltation qui tourne au vinaigre. Elle finit par saisir les cordes qui l'environnent, hisse le mât et part à l'abordage. Alors aujourd'hui, on reçoit plein de gens à Radio Dio, on reçoit des gens de pair à bord, des gens du GEM, les moyens du bord, et des gens du remue-ménage. Les moyens du bord et le remue-ménage sont deux structures qui tendent à être moteurs d'un accompagnement social où le trouble psychique n'est plus une frontière. Mais avant de partir à leur rencontre, on vous propose l'écoute du collectif Astéréotypie. Le collectif Astéréotypie, c'est un projet éducatif et artistique de Spoken Word impliquant des jeunes autistes accueillis dans un institut médico-éducatif en région parisienne. À travers leurs textes, ils évoquent leurs univers, leurs folies, leurs craintes dans des poèmes exprimés sur un ton décalé qui ne laisse pas insensible. J'ai les aéroports à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils pensent que je me moque d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement, et qu'il me répond, oui c'est vrai. D'ailleurs, je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Comme je tiens à vous et que je vous aime beaucoup, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Jamais je me moquerai de vous, je ris pour autre chose. Je tiens à vous, je vous aime beaucoup. Quand j'appelle mon père Ryan et que je lui dis qu'on est tous les deux des enfants et qu'on s'amuse pendant que les parents ne sont pas là. Ce qui me fait rire, c'est Arthur qui imite la mère américaine qui rentre à la maison. Honey, I'm home and I have beef jerky for you. Ça me fait rire de faire dire des conneries aux gens. Connaissez-vous le patami des enfants? La personne répète machinalement parce qu'elle ne comprend pas. Ça me met dans un état d'excitation. Connaissez-vous le pat informatique, la confiance? Connaissez-vous la honte? Connaissez-vous la boulgourine? Pensez-vous que ma cousine en Angleterre a beaucoup de caractère? Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Musique de Zinzin sur le 895 de Radio Dio dans le cadre de cette émission spéciale pour les semaines d'information sur la santé mentale à Saint-Étienne. Alors, salut à tous et toutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, ce que je propose pour commencer, c'est juste histoire de situer un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices un petit peu qui vous êtes. Un petit tour, comme ça on n'a qu'à commencer par toi Grégoire du coup. Vous vous présentez succinctement. Salut, moi c'est Greg, je suis salarié en charge de la dynamique bénévole et de la communication au Café Lecture associatif Le Remue-Méninges à Saint-Étienne. Bonjour, moi c'est Anne-Marie, je suis bénévole au Remue-Méninges, ça doit faire depuis que je suis à la retraite, 3-4 ans. Je suis notamment au bar et ça permet de faire de belles rencontres et de beaux partages. Je confirme, bonjour, c'est Thierry. Je suis adhérent secrétaire du groupe d'entraide mutuelle Les Moyens du Bord et un des promoteurs du projet Père à Bord pour installer et étoffer un peu la père aidance en santé mentale sur la ville et voire plus loin. Bonjour, c'est Youssef Djouara. Je suis adhérent aux Moyens du Bord. Ça fait longtemps que j'y suis. Ben, j'y pratique des ateliers artistiques. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci. Bonjour, Joël Desmartin. Je suis actuellement en indemnité de travail, en arrêt de travail, et j'en profite pour découvrir d'autres structures sur Saint-Étienne, dont les Moyens du Bord. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Julie des Moyens du Bord. Donc je suis adhérente, bénévole et présidente du groupe d'entraide mutuelle, voilà, depuis peu. Super. Alors, ce que je vous propose, maintenant que vous êtes tous et toutes présentés, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu vos structures et un petit peu l'historique de vos structures? Alors, peut-être on pourrait commencer par les Moyens du Bord. Ouais. Alors, en fait, les Moyens du Bord, c'est une association qui a été créée en 2002 par les membres fondateurs que je nomme donc Monsieur Jean-Michel Chauvineau et Virginie Lebègue, sur une association qui a été créée pour accueillir un public en difficulté, c'est-à-dire un public, oui, un public donc qui est en rupture sociale, rupture familiale, en situation de perte d'emploi ou autre problème que ce soit. Et en 2005, en fait, a été votée en France la loi de l'égalité pour tous, décrétée dans la même année et fixant un cahier des charges pour l'accueil d'une spécificité d'un accueil et de la reconnaissance du trouble psychique. Voilà, donc la plupart des personnes qui sont accueillies au groupe d'entraide mutuelle le sont parce que du coup cette structure homologuée GEM donc nous permet donc d'accueillir majoritairement les personnes ayant une problématique de santé mentale. Alors bien sûr, santé mentale aujourd'hui, c'est une notion qui englobe parfois pas mal de monde. On peut y voir des personnes ayant un trouble lié à d'autres pathologies comme la précarité, l'addiction ou même l'identité sexuelle. Voilà, principalement, nous sommes financés par l'ARS, Agence Régionale de Santé Loire. Voilà, principalement. C'est combien de personnes accueillies comme ça? Tu as un peu une idée? Ouais, alors depuis l'après-Covid, et puis là on avait changé les locaux, c'est vrai que d'avoir déménagé et d'avoir doublé quasiment notre superficie, ça nous a permis d'accueillir un public plus nombreux. T'as ouais. Un peu une idée du nombre de personnes un peu par semaine qui passent ou l'ensemble des gens? Un noyau, là on a quand même un noyau qui va de 60 à 80 adhérents avec, on va dire, peut-être une équipe bénévole qui vient, qui va, qui revient sur une quinzaine. Et puis aussi une équipe salariée qui comprend principalement le poste de Madame Lebec qui est en poste de coordination chez nous. Comment les gens ils accèdent aux moyens du bord? C'est-à-dire comment les gens ils arrivent chez vous? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Il faut s'inscrire? Que la psychiatrie de secteur, comme elle est imposée là dans son fonctionnement, au moins sur Saint-Étienne et alentour, il y a une approche en fait qu'on dit transversale, et cette approche permet par exemple à des personnes qui sont entre guillemets stabilisées, parce que quand on vient au groupe d'entraide les moyens du bord, ça ne peut pas être des personnes qui sont en état de crise, mais des personnes qui sont dites stabilisées ou en voie de rétablissement. Et elles nous orientaient par des CMP, les CATTP ou parfois les familles. C'est vrai qu'on a une visibilité peut-être un peu à la maison des usagers, au CHU. Et principalement, il y a d'autres personnes qui viennent qui ne sont pas forcément orientées par un psychiatre ou un psychologue ou un médecin traitant, mais voilà, qui viennent là aussi par hasard. On est pignon sur rue, nous on est implanté dans le centre-ville de Saint-Étienne, donc on est 38 rue de la Résistance, et c'est vrai qu'il y a des gens qui passent et puis qui voient qu'il y a l'atelier poterie, et puis il y a des gens de toutes parts qui disent « Ah bah tiens, vous faites un atelier poterie, est-ce qu'on pourrait faire un atelier poterie ?» Alors c'est vrai que la spécificité du GEM, c'est aussi l'accueil des personnes ayant une problématique de santé mentale, mais c'est pas que ça. C'est aussi une interaction, c'est aussi, on va dire, c'est un projet inclusif, on va dire. Est-ce qu'il y a des gens à qui vous dites non ? Il y a parfois des refus, oui, parce que la capacité d'accueil, elle n'est pas non plus infinie. Et c'est vrai qu'on reste sur un créneau là, bien ambiancé de personnes ayant des difficultés, en tout cas. Et qu'est-ce que vous proposez, du coup? J'ai entendu atelier poterie. Ouais. Alors, les moyens du bord, c'est un espace d'échange, hein, c'est un lieu... un lieu social, un lieu qui crée du lien. C'est pas un lieu médicalisé. D'ailleurs, ce qui fait qu'aussi on est un peu marginalisé sur ce qu'on appelle un peu le monde de la psychiatrie là, sur le territoire stéphanois. on propose, alors il y a deux dynamiques, il y a une dynamique qui est créée là beaucoup par l'art, et Virginie elle est aussi là dedans, laisse place à l'art, une place prééminente dans les ateliers par des intervenants professionnels. On a de la danse, on a du théâtre, on a du modelage, on a de la créa plastique, donc dessin, peinture. Il y a exploration vocale avec Johanna aussi. Atelier son. Mais on a aussi des ateliers qui émergent là, entre guillemets, autonomie, on va dire, qui sont amenés par une volonté des adhérents de faire de l'anglais, de faire du ping-pong, de faire un peu de musique. Si tu me permets, Julie, il y a des pièces de théâtre qui sont produites et écrites là-bas et qui sont jouées aussi. Voilà, donc il y a aussi, en plus de tous ces ateliers, des projets artistiques qui sont montés. Et là, notamment, depuis les quelques dernières années, il y a eu le spectacle vivant dans le flux Un Passage, hein, qui a été représenté à Avignon une fois, non ? Oui. Au Festival de Courgieux, oui. À Firminy, à la maison des associations à Firminy. Mmh. Et j'oublie peut-être autre Thierry, à peu près. On l'a fait après la journée d'ouverture d'un festival, mais ça m'échappe, tu sais bien, ouais. Mes problèmes de mémoire. Voilà. C'était exactement. Et cette année, c'était Courgieux, tu l'as dit. C'était Courgieux. Mmh. Cette année, plus particulièrement, donc c'était un autre, donc dans le flux a passé sa vie, et puis on a créé avec les intervenantes Johanna et Daisy le petit spectacle écrit au singulier. Voilà, pour rendre hommage à Monsieur Dextre, qui était intervenant écriture au moyen du bord. Bon, c'est de la folie un petit peu tout ça, c'est le cas de le dire, mais comment ça s'organise ? Parce que alors, moi j'entends du coup un mélange de plein de gens, du coup, des teams salariés, des teams bénévoles, des gens qui viennent comme ça, et comment ça s'organise ? C'est assez fascinant, quoi. Alors ça s'organise parce qu'en fait, Virginie, elle tient le GEM depuis 20 ans et que son poste de coordinatrice lui permet d'organiser tout ça. En fait, c'est une interaction entre plusieurs parties prenantes sur ce qu'on appelle des projets de création artistique. Vous, plus généralement, par exemple, qui y participez, comment on propose quelque chose ? Comment on s'investit dans un projet ? On a une réunion d'organisation collective qui permet de faire remonter un peu les projets internes, les désirs des adhérents. Et puis ça se passe bien de bouche à oreille et remonter directement à Virginie, puisque c'est comme une petite famille qui s'étoffe et qui discute, hein, les membres discutent entre eux. Mais oui, principalement entre intervenants et adhérents, et une volonté aussi de toujours porter son regard un peu plus loin, de s'éduquer, de se rencontrer et de mettre en commun avec les moyens qu'on a ce genre de spectacle vivant, on va dire. Pratiquement, en fait, moi, je découvre les moyens du bord. Et en fait, tous les 15 jours, il y a la réunion une réunion commune avec les adhérents. Et là, chaque personne a droit à la parole, à s'exprimer et à mettre en forme les propositions de la quinzaine suivante ou des projets plus lointains. Super. Alors, tu voulais peut-être ajouter un mot ? Non. Enfin, on y trouve son compte quand on est seul et quand on va dans un atelier et qu'on s'intéresse beaucoup à... Moi, je m'intéresse beaucoup à la peinture, à l'écriture. Et quand je viens au moyen du bord, j'y trouve mon expression, quoi. C'est surtout... Toi, comment t'y es arrivé, par exemple ? Comment t'en as entendu parler ? Comment j'en ai entendu parler ? À la base, j'étais à Saint-Jean-Bonnefonds, à l'hôpital. J'étais avec un thérapeute... Et il allait à la retraite, le monsieur. Et il m'avait dit, il y a un GEM qui se forme, il va y avoir de la peinture dans ce GEM. Vas-y. Et j'y suis allé au moyen du bord. J'ai rencontré les moyens du bord. Enfin, c'est de par un thérapeute qui partait à la retraite. Et ça fait combien de temps que tu y es ? Ça fait peut-être 22 ans maintenant que j'y suis. Au moyen du bord. Ouais, ouais. J'y peins, j'y écris. Ah ouais, t'es un pilier. Ouais. Enfin. Et t'animes des ateliers, par exemple ? Non, j'ai fait des vernissages dans la peinture, j'ai écrit un livre, un petit livre, sur une histoire un peu psychiatrique. J'ai fait des voyages avec les moyens du bord, à Portugal, en Suisse. On a fait des jours de l'an, tous ensemble. Et cependant, j'y trouve un attrait artistique, quoi. Et il y a un lien aussi d'amitié avec les uns et les autres. Par exemple, Julie, je la connais, ça fait peut-être 15 ans que je la connais, quoi. Et on arrive à être... On arrive à trouver des gens... T'y passes régulièrement, t'y passes plusieurs fois dans la semaine, le temps que ça te prend, les moyens du bord sur ta semaine, par exemple, ou que t'y passes le temps que ça... Ben, ça dépend. Parce que si je fais 2 heures de peinture et 2 heures d'écriture et plus discuter un peu de ce qu'on fait et de ce qu'on veut faire, ça peut prendre des fois 3-4 jours dans la semaine, 3-4 après-midi dans la semaine. Et toi, par exemple... De ton regard, un beau projet là, par exemple, que vous avez mené ou que vous allez mener là prochainement. Ben, il y avait eu des biennales, il y avait eu des manifestations par rapport à la biennale. Mais enfin, je comprends pas trop ce que c'est la biennale, mais enfin, il y avait eu des pièces de théâtre, il y avait eu des vernissages, il y avait eu des lectures. Nommé Marie-Hélène et Benoît qui faisaient des lectures pour des manifestations pour Saint-Étienne, et il fallait être actif, quoi. Il fallait fabriquer quelque chose. Et ça donne envie d'aller lire ce que tu as écrit et de voir du coup tes œuvres, et on peut les retrouver quelque part ou lire ton bouquin. Ben. Comment il s'appelle ton bouquin déjà ? Un homme dans la galère. Un homme dans la galère. Qui est sorti à quelle maison d'édition ? C'est Abribus. Abribus. Et tes œuvres, t'as fait un truc internet qui permet de te retrouver ? Ou t'as une expo prochainement ? Ben, pour l'instant, j'ai pas d'expo. Je suis un peu fatigué, je dois dire. Ce qu'il y a, j'ai beaucoup vendu de peintures. Alors, ça fait que j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir une dizaine au moyen du bord, des peintures. Ah, du coup, on peut voir tes toiles au moyen du bord. Ah, plus ça vaut. Les stocks au moyen du bord, comme on est toujours un peu en working progress, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les œuvres qui sont réalisées sont mises en archive, et on a un renouvellement incessant de ce qui peut être fait au moyen du bord, mais c'est vrai que de sa pratique, tu as peut-être quelques toiles qui sont rangées dans la cave. C'est vrai qu'on avait une inondation dans la cave, mais bon... Donc si on veut voir ton travail, il faut aller au moyen du bord et dire « j'aimerais bien voir la cave, quand même ». Par contre, ton petit livre, il est en vente. Hein. On a 2-3 bouquins au moyen du bord, ouais, on les a. Hein. Super. Moi, je propose maintenant qu'on passe sur Père à bord. Du coup, toi, tu fais partie des moyens du bord. Oui. Et alors, c'est quoi cette histoire de Père à bord ? Père à bord, donc c'est Thierry, hein, adhérent et secrétaire des moyens du bord. Père à bord, c'est un projet, c'est encore à l'état de projet, mais ça fait un an que c'est sérieux. On a même eu une étudiante de l'IRUP qui est venue nous mettre sur les rails pour nous aider à avancer, à maturer, à mûrir notre projet. Père à bord, les statuts ne sont pas déposés, donc c'est pas une association, mais c'est pour bientôt, très certainement, avec les financements qui devraient pas tarder à arriver, puisqu'on a, je crois, de bonnes nouvelles qui étaient dans les tuyaux. Père à bord, c'est une association pour installer et diffuser un peu plus largement la père aidance en santé mentale sur la ville de Saint-Étienne et sur la région. Vas-y, c'est quoi la père aidance ? Alors, la père aidance en santé mentale, c'est pour aller un petit peu plus loin que le GEM, c'est-à-dire, comme l'a dit Julie tout à l'heure, il y a des gens qui viennent au GEM, mais quand ils sont en capacité de venir, et parfois nos amis psychotiques, dont je suis, ils ont des moments de crise où ils sont pas très réceptifs à se mêler à d'autres, où ils sont une auto-stigmatisation assez conséquente. Et Père à bord, c'est pour essayer de leur proposer un accompagnement à ces personnes-là pour les éduquer un peu à leurs troubles et les installer dans ce qu'on appelle le rétablissement, la capacité de vivre avec son trouble et arrêter de se flageller, de se faire mal et de se réinvestir un peu plus dans la vie citoyenne. Et clairement, par l'accompagnement, par l'expérience, par le partage d'expériences, de cohabitation avec son trouble, de mieux-être, d'investissement dans la vie citoyenne, dans la société, ça marche. Les gens vont mieux, les gens s'installent et on a espoir d'aller jusqu'à leur reproposer même une ouverture sur le monde du travail, puisqu'il faut reconnaître les psychotiques en particulier, quand ils sont passés dans les griffes des psychiatres, en général, leurs compétences, elles n'existent plus. Après, c'est comme si le CV était effacé, quoi. C'est compliqué. Donc, Père Abord, ça se veut d'accompagner les pères d'infortune, surtout psychotiques, j'imagine, en particulier, même les gens qui font des dépressions, pour leur remettre le pied à l'étrier, leur inculquer, leur apprendre le rétablissement, vivre avec leurs troubles, aller mieux, s'autonomiser et se réengager dans la vie plus avant. Voilà. Et alors, comment tu vois l'organisation de tout ça, du coup ? Combien de personnes il faudrait ? Quels moyens il faudrait mettre en place ? Comment ça se matérialiserait aussi ? Comment les gens ils pourraient vous mobiliser ? D'abord, les gens, on n'irait pas les chercher chez eux parce qu'il y a déjà des équipes mobiles de psychiatrie qui existent et ça reste du médical, du cure, comme on dit, qui viennent vérifier le traitement, qui ont des bons conseils de grands frères ou de... Et évidemment, pour redonner confiance aux gens. Mais ça reste du médical. Nous, c'est vraiment ce qu'on appelle du care, du soin, de l'attention, des conseils. Mais on n'irait pas les chercher chez eux. On commence à se faire connaître, à diffuser. On organise un débat au remue-ménage. Il y en a déjà eu un pour parler un peu de rétablissement et de père aidance en santé mentale. On en organise un le 27 septembre, là. Pour faire parler de nous, et puis une fois que les statuts seront déposés, on aura une adresse, les gens peuvent venir nous voir, il y aura un numéro, des flyers, et ce qu'on propose, c'est vraiment de l'accompagnement, mais de l'accompagnement, je veux dire, au détail, discuter avec les gens, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils veulent, de la psychoéducation, parce que malheureusement, on est nombreux à être allés en hôpital psychiatrique à l'insu de notre plein gré, comme on dit, en particulier les psychotiques, en ASPDT, en admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, ou en SPRE, d'un représentant de l'État. Et la plupart, 99% sortent de l'hôpital psy en ayant un mot sur leur problème, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc il y a vraiment tout ça à enclencher aussi. Et quand on commence à s'éduquer à son problème, à le comprendre, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent et des possibles, et des peurs irrationnelles qu'on avait avant, des cachés derrière son petit doigt qui disparaissent, quoi, véritablement. Quoi. Et du coup, dans cette idée d'accompagnement par des pairs aussi, vous avez pensé un petit peu la formation, cet accompagnement, comment vous le pensez et comment aussi, combien il faudrait que vous soyez, tout ça, t'as un peu une idée ou le projet encore un peu ? Pour le moment, ça se dessine, les statuts, comme je te disais, n'ont pas été déposés encore, mais ça se dessine petit à petit, c'est au long cours que ça va, normalement c'est prévu. Après, pour démarrer. Le sens de ma question, c'est si on se prenait à rêver, toi tu le vois comment ? 4-5 pères aidants qui discutent en équipe, qui font de l'intervision, de la supervision avec ceux qui sont déjà en poste, parce qu'il y en a déjà sur la région, il y en a 3 ou 4 qui sont en poste dans des unités avec des équipes mobiles ou dans des organismes, et les réunir, faire des discussions, se briefer, savoir où on en est par rapport à certains troubles, les requinquer eux aussi, parce que c'est un engagement émotionnel et psychique qui est important, donc les ressourcer, faire accompagner le travail des pères aidants aussi. Donc on serait 4-5 peut-être au début à chaperonner un peu tout ça et à accompagner sur devis, sur choses décidées avec eux, les personnes concernées qui ont besoin de nos services de psychoéducation et de réorientation sociale, quoi, en quelque sorte. Quoi. Et au niveau des besoins, là par exemple, toi tu sais un petit peu, vous avez un local, vous êtes suffisamment Pour le moment, on n'a pas de local, on est en train d'en discuter. Pour le moment, on est hébergé par les moyens du bord, mais on va vite se séparer d'eux, parce que bon, il y a des gens qu'il faut respecter, qui viennent aux moyens du bord pour les activités, la pérédance ça ne les intéresse pas. ils n'ont pas envie d'aller plus loin, donc il ne faut pas interférer avec ça non plus. On aura bientôt une adresse, je vous la communiquerai s'il y a de la demande. On n'en est pas là, mais comme je le disais, Samuel, c'est fait pour partir début 2025, vers à bord. Voilà. Et alors, si on veut rejoindre le projet, comment on vous trouve et comment on vous rejoint? Par les moyens du bord? Pour le moment, on peut venir demander Thierry aux moyens du bord. Voilà. Au top. Au top. Bon, alors j'ai entendu que tu avais parlé du remue-ménage et notamment de cette conférence, du coup, enfin ce moment discussion, débat autour de la paire aidance au remue-ménage, et ce qui m'offre l'occasion du coup de vous donner la parole. Alors, le remue-ménage, on sait un peu ce que c'est, mais finalement ça a commencé comment? Et là, vous en êtes où? Écoute, le remue-ménage, ça, c'est le plus vieux café associatif de Saint-Étienne. Le plus vieux, le plus ancien, qui soit encore debout en tout cas. Il a été créé en 2007. À l'époque, il était situé juste derrière la fac, rue Désiré-Claude. Et en 2017, me semblait-il, il a déménagé dans ses locaux actuels, qui se trouvent 43 rue Michelet. Pas très loin, mais bon, dans un autre quartier, du coup. Et en fait, c'est cette nouvelle localisation, je pense, qui a fait évoluer ce lieu et qui l'a fait s'intéresser aux questions de santé mentale. Et ce sont des questions qui, en fait, se sont imposées au remue-ménage de par la proximité, tout simplement géographique, avec l'hôpital de la Charité, qui est un hôpital de jour pour des personnes qui sont concernées par des problématiques de santé mentale. Et juste en face de l'hôpital de la Charité, la présence du GEM, du groupe d'entraide mutuelle Lucien Bonafé. Et donc le remue-ménage se trouve à 100 mètres du GEM. Et beaucoup d'usagers du GEM, du coup, finissent par passer la porte du remue-ménage. Et il faut savoir que le remue-ménage, c'est un café associatif qui est basé sur des valeurs et des principes très forts, dont le premier, c'est l'accueil inconditionnel et l'accès à la culture pour tous et la bienveillance. Donc, c'est bien joli, c'est des mots comme ça, mais l'accueil inconditionnel, c'est vraiment l'accueil inconditionnel. Donc, il a fallu s'adapter. Et finalement, c'est ces nouveaux usagers et ces nouveaux adhérents et ces nouveaux bénévoles, très souvent aussi, qui ont fait évoluer le remue-ménage et qui l'ont rendu aussi plus profond, moi, il me semble, et qui a permis d'en faire un lieu vraiment différent. Ah, parce que ce n'est pas non plus comme un GEM. Comme les moyens du bord ou Lucien Bonafé. C'est pas un endroit réservé aux personnes concernées par des problématiques de santé mentale. C'est un lieu de vie sociale, c'est un café ouvert à tous, public, et où tout le monde peut se retrouver. Et ce qui se passe au remue-ménage, c'est quelque chose unique, je pense, dans la ville de Saint-Étienne. Après, je sais pas, j'ai jamais vu ça ailleurs, mais je connais pas le monde entier non plus. Mais en tout cas, j'ai jamais vu ça, un endroit où des gens qui sont concernés par des problématiques de santé mentale et d'autres qui le sont moins, je pense qu'on est tous un peu concernés, mais qui le sont peut-être un peu moins ou qui s'en rendent moins compte, se retrouvent dans un même endroit et partagent des moments, des émotions, participent à des ateliers d'écriture ou de création et sont spectateurs de spectacles en tout genre, de concerts, de conférences, de présentations de livres, etc. Et alors moi, ça me pose la même question pour les moyens du bord, c'est que du coup, café associatif, plein de gens, plein de propositions, mais comment ça s'organise tout ça? Comment vous vous organisez au sein de l'association? Comment on propose? Comment on s'investit? Etc, etc. Alors, spécifiquement sur les questions de santé mentale ou non, en général? Non, plus généralement déjà sur le fonctionnement de... Là, l'idée, c'est okay. Vraiment votre fonctionnement comment... Notre fonctionnement, on est deux salariés. Et donc moi, je suis en charge de la dynamique bénévole. Et je fais en sorte déjà qu'il y ait toujours un bénévole derrière le bar pour tenir le bar. Parce que tout ça, ça tient sur la force des bénévoles. C'est combien de bénévoles actifs, comme ça, vu le remue-ménage? Alors, c'est 1000 adhérents et des bénévoles actifs, c'est entre 80 et 100, avec des degrés d'investissement vraiment différents. Il y en a qui viennent qui font un ou deux créneaux par semaine, d'autres qu'on voit une fois par mois. Ça, c'est pour le bar. Mais après, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut s'impliquer au remue-ménage. On peut s'occuper de la programmation, on peut s'occuper de la communication, du jardin, de la cuisine, des stocks, de l'organisation des assemblées permanentes, parce que ça aussi c'est très intéressant, c'est qu'on a une organisation de la gouvernance qui a évolué dernièrement, enfin c'est il y a 2-3 ans, et qui fait que maintenant on n'a plus de conseil d'administration, et c'est une assemblée permanente ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation, qui prend les décisions importantes pour le café une fois par mois. Et quand on veut proposer quelque chose, s'investir, on fait comment? Et alors, quand on veut proposer quelque chose, quand on veut proposer quelque chose, un concert par exemple, il faut écrire à une boîte, ça, à prog@remue-ménage.com, et là ensuite il y a une commission de bénévoles qui sélectionne les projets culturels qu'on aura, et si on est bénévole et qu'on veut organiser quelque chose au remue-ménage, on peut aussi s'adresser à moi, et ensuite on présente ce projet en assemblée permanente. Et s'il est validé, eh bien, il est mis en place. Ok. Et si on veut s'investir comme ça, on a du temps à donner. On écrit à bénévolat@remue-ménage.com. Alors, remue, je dis n'importe quoi, non, c'est bien ça? Bénévolat@remue, avec un E-ménage au pluriel.com. Ok, au top. Et alors du coup, sur ces questions de la santé mentale, vous êtes en questionnement, vous êtes en cheminement. Et c'est quoi un peu vos questions finalement? Bah, nos questions, c'est en rapport... Nous, on n'est pas, dans les bénévoles et dans les salariés, on n'est pas des professionnels de la santé mentale. Voilà, on est... Et donc, parfois, se retrouver devant des usagers qui présentent des, enfin voilà, qui sont concernés par ce genre de troubles, on va dire, ça peut causer des angoisses chez les bénévoles qui n'y sont pas préparés, ou voilà, parce que ça peut arriver de se retrouver devant des situations, même si c'est vraiment très très très très rare, mais des situations où des gens se sentent pas bien, où il se passe quelque chose, et là il faut... Donc, ce qu'on essaye de mettre en place, ça serait une formation en premier secours en santé mentale pour les salariés et les bénévoles, pour et avoir aussi éventuellement un numéro d'urgence à appeler pour avoir le conseil d'un psychiatre ou d'un psychologue pour les gens qui seraient, enfin pour pas les, en fait l'idée c'est de ne pas laisser les gens qui sont derrière le bar démunis dans une situation qui pourrait être compliquée pour eux. Donc ça, c'est un peu notre objectif. On réfléchit aussi beaucoup à des actions centrées sur la communication non violente. Voilà, on est en lien avec une association à Saint-Étienne. On va mettre en place des choses là-dessus. Et voilà, on est vraiment impliqué dans la question. Et c'est pour ça que quand Julie et Thierry sont venus nous voir pour nous proposer pour la deuxième année consécutive de faire un débat au remue-ménage, bien sûr on a accepté et on s'est mis en contact avec vous de Radio Dio pour voir si on pouvait faire un truc tous ensemble, et vous aussi évidemment vous nous avez ouvert les bras, donc merci à toi Samuel. C'est mignon. Et Greg, si tu me permets, ça a permis de rompre un peu le malaise de certaines personnes qui se sentaient pas bien avec les adhérents des GEM. Bah, ce que je dis, c'est que là, on est... c'est pas avec les adhérents des GEM. Enfin, je sais même pas, des fois, il y a des gens qui arrivent qu'on n'a jamais vus. Et qui sont... c'est arrivé une fois, il y a eu une usagère qui arrivait et qui était vraiment dans un état de détresse. Mmh. Et donc, il y a eu une autre personne, une adhérente du remue-ménage, qui était même pas bénévole ce jour-là, mais qu'il a pris mal, qu'il a pris pour elle et qui a commencé à rentrer dans... Enfin, moi personnellement, je trouve qu'elle a pas, elle a pas bien géré la situation, et donc ça a fait monter la sauce. Tandis que si peut-être elle avait reçu une formation là-dedans, elle aurait pu comprendre qu'en fait cette personne, elle était en détresse, elle n'était pas contre elle, et qu'il fallait essayer de trouver les moyens de faire baisser. Et c'est vrai que Père Abord peut-être essayer d'élaborer un discours minimum pour les gens comme tu dis, ah bah voilà. Pour faire le lien et pour aider les bénévoles. Bah, tu vois, il y a des idées qui naissent. Merci monsieur. En direct. Mais c'est vrai, moi je vois en tant que bénévole, je trouve que c'est très enrichissant. Moi, quand j'ai franchi la porte du remue-ménage, je vivais déjà personnellement une situation assez dure. En plus, j'allais être à la retraite, donc j'avais besoin de voir du monde. Et je me disais, le meilleur moyen de communiquer, c'est d'être au bar. Et je me suis, au départ, moi, la santé mentale, c'est un truc qui m'a toujours intéressée, de par une histoire aussi. Et je me suis vue avec des gens qui sont vraiment seuls. Certaines personnes sont seules, n'ont pas de famille, ont personne à qui parler. Il y en a qui n'ont pas de psychiatre. Et en tant que bénévole avec aucune formation, eh ben des fois, on se sent aussi submergé. Parce qu'on se dit, est-ce que je lui dis les bonnes choses? Est-ce que moi, je ne vais pas faire un impair qui peut peut-être provoquer quelque chose chez lui ou le remettre en détresse? Alors des fois, on écoute, et puis d'autres fois, moi, quand je ne suis pas en état d'écouter, je ne vais pas au remue, parce que je sais qu'il y a certains piliers qui y sont tout le temps. Mais ce qui me frappe, c'est la solitude. Et aussi, il y a une chose dont on ne parle pas. Là, au retour de vacances, à un adhérent, je lui ai demandé, je lui ai dit, alors tes vacances? Il me dit, tu sais, je ne suis pas partie parce que les vacances, ça coûte cher. Et il faut voir que ces personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne et qui sont en invalidité, eh ben, le niveau de vie, il est quand même bas. On parle du seuil de pauvreté en France, qui est juste en dessous du SMIG. Eh ben, avec l'invalidité, ils sont au seuil de pauvreté. Et donc, il y a aussi ces ça entraîne une précarité sociale et qui peut parfois justement aggraver les angoisses, aggraver les crises. Et là, on fait quoi? Moi, des fois, je me sens vraiment très démunie par rapport à ça. Je vous propose d'écouter Wild Classical Music Ensemble. C'est quatre handicapés mentaux drivés par le musicien et luthier sauvage belge Damien Magnété. C'est sorti sur Bornbard Records. Et voilà, et ça envoie le steak. L'absicte, l'homme caché, aux lettres, l'alcool, l'homme, le nid, les enfants, deux chemins, d'un peu de doute, mais le halbat on, dot espèce de gris, dot espèce de gris. Throwing stuff on the ground, make people happy. Tell us how to make sadness. Saying farewell, it hurts. Luckily, sadness can't be there. Dirty illness, no pain, it ends. Put it on my mask. Protect my sadness. That is my favorite. God's favorite. For iedereen, van lief voor het iets van ons. Omhelzen voor elkaar mag, niet omhelzen de pijn. Gezondheid, Belgen eten, runten eten, rest eten. Tonnen poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben gewoon thuis. God is mijn verdriet. 895 Radio Duo, c'est plus fort, j'entends rien, en forme de questionnement sur la santé mentale. Après ce petit tour de table, du coup, des situations, du remue-ménage, de pair à bord, des moyens du bord, ce que j'avais envie un petit peu de faire, c'était un petit peu un état des lieux de ce qui existe en termes d'accueil comme ça sur ces questions de santé mentale à Saint-Étienne, d'avoir un petit peu vos points de vue d'usagers ou des points de vue même extérieurs ou des retours d'usagers que vous auriez eu et un petit peu se questionner. Ma première question, c'est quand on va pas bien, vous, qu'est-ce qui existe à Saint-Étienne là ? Qu'est-ce que vous connaissez qui existe là ? Comme ça en brut, le premier truc. Bonne affaire. Bonne affaire, moyen du bord, remue-ménage. Atome Chrome, ils sont partis. Il doit y avoir possibilité d'aller taper à la porte des CMP et CATTP, peut-être aussi. Encore faut-il s'informer, et c'est souvent sur prescription médicale. Donc, ça, c'est pour des gens qui ont été diagnostiqués. Après, c'est vrai qu'on a vu toutes sortes de structures se développer sur la communauté de Saint-Étienne, notamment les dispositifs, c'est qu'un Siège-Choix d'abord ou les équipes mobiles. Ce n'est pas des dispositifs qui sont là depuis très très longtemps. C'est quoi ? C'est 2017 ? Je pense. Il y a des SAMSA qui ont été ouverts pour des personnes qui n'ont pas du tout possibilité de trouver une autonomie, de revenir dans un monde réel. C'est quoi un SAMSA ? Un SAMSA... Un service d'assistance médicale et... Adulte handicapé. Pour adulte handicapé. SAMSA avec un H. Qui permet l'accueil des personnes qui ne sont plus capables de vivre en autonomie. Donc il y a aussi des appartements thérapeutiques. Appartements thérapeutiques qui accueillent des gens qui veulent, oui, retourner vers un semblant de vie normale et qui sont dans ces appartements-là surveillés, enfin pas surveillés, mais au moins accompagnés par des professionnels de santé de temps à autre et qui leur permettent une certaine sécurité, on va dire, d'avoir un toit sur la tête et puis bon, de pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres, il y a eu des maisons relais, il y a eu vraiment une prise en charge d'une population dite marginalisée de par une pathologie ou même un trouble psychique aujourd'hui. Samuel, il n'y a toujours pas de disposition des couples par des pairs, quoi, justement, des personnes qui sont passées par là. Et qu'il y aurait plein de choses à dire et à expliquer. Mais tu semblais dire que ça existait un petit peu, toi. Pardon ? Tu semblais dire que ça existait un petit peu. Ça existe un petit peu par rapport aux gènes, en particulier. Mais elle est informelle. Du bord. C'est informel. Mais ils veulent... Mais bientôt, pair à bord, quoi. Mais peut-être la pair-aidance un jour sera un métier, un vrai métier, un cœur de métier. On peut l'espérer. On a des modèles à Lyon et à Marseille qui fonctionnent très bien. Il y a Esper à Lyon qui a installé quelque chose. Mais ça dépend un peu de l'environnement médical local aussi, donc, mais le message passe doucement. Que la pair aidance, elle est émergente en France. Par exemple, au Canada, elle est beaucoup plus implantée. Oui. Elle est reconnue. Il y a des études qui ont été faites qui disent que 30% des personnes qui sont hospitalisées et qui ont recours à un pair aidant, une personne qui a vécu une même pathologie, qui de par son vécu, donc son, on va dire, entre guillemets, savoir expérientiel, est capable d'aider la personne ayant une même pathologie que lui. Et est moins réhospitalisée, et ça fait des économies au système. Même vraiment. Et vous, du coup, au moyen du bord, au remue-ménage, du coup, c'est quoi un petit peu les retours d'usagers et d'usagères de la santé mentale que vous avez, par où ils passent, comme ça, est-ce qu'ils ont toujours un endroit ? C'est d'être dans l'amitié, je crois. Ce que je veux dire, c'est en fait les retours, justement, les retours de gens. C'est comment ça se passe sur Saint-Étienne finalement ? Est-ce qu'ils viennent d'où ? Ils sont accueillis où ? Est-ce qu'ils ont toujours un truc ou pas ? Il y a beaucoup des personnes qui ont des difficultés. Après, ils sont orientés. Ce n'est pas forcément des gens qui ont été diagnostiqués. Il y a peut-être là aussi le bouche à oreille qui fait qu'une personne parle à une autre et dit ben, moi je vais au moyen du bord, regarde, voilà, toi tu peux venir aussi. Je pense que aussi on est là, on fait preuve de solidarité, on laisse pas tomber les copains et puis c'est un acte de résistance, c'est-à-dire que tu vas en ville et puis tu voilà, tu prouves que tu existes, c'est-à-dire que tu dépasses le stigma de la population mœurs française actuelle. Je dirais, si qui fait permet, que aussi, le psychotique est parfois même en danger Joël, plus si que la personne qui pourrait l'agresser parce qu'elle est en situation de fragilité. Ah mais ma question, elle n'était pas du coup ma question finalement du suivi un peu général. Elle était bien entendue sur ce questionnement, c'est-à-dire est-ce que les gens quand ils vont pas bien, en fait, ils ont des endroits où ils peuvent aller. Est-ce qu'ils y ont toujours accès? Est-ce qu'ils arrivent à trouver et voilà. J'allais te dire, les GEM sont accueillants, mais ils accueillent et ils intègrent des gens suffisamment rétablis. Et pour être rétabli, encore faut-il avoir conscience que ça a du sens, que ça existe. Quoi. Donc voilà. Au groupe d'entraide des moyens d'Ibor, peut-être on dit la personne accueillie va y trouver la place, mais pas celle qu'on aura choisie pour lui. Celle que lui, il pourra choisir. Moi, je voulais rajouter un peu par expérience personnelle, mais qu'il y a des périodes aussi dans les troubles différents. Il y a des périodes où des gens ne peuvent pas créer de lien social ou le refusent même, quelque part. C'est la pathologie qui va faire ça. Et c'est vrai qu'il y a des périodes différentes dans un parcours de quelqu'un avec un trouble. Ah. Et donc, c'est pas toujours possible, des fois, d'aller vers le lien. Mmh. Et voilà, ça se fait aussi par moment dans son processus, quoi. Et au remue-ménage, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des usagers qui présentent donc qui ont des difficultés. Parfois, ils passent par des moments plus compliqués que d'autres. Et parfois, ils sont obligés de passer par des périodes d'hospitalisation. Et le retour que j'ai, je pense à deux bénévoles en particulier, sur leur période d'hospitalisation et leur rapport avec les médecins et tout le système hospitalier, c'est très mauvais. C'est plutôt un dégoût. Non, c'est vraiment très très mauvais. C'est une sorte de phobie, c'est quelque chose, une sorte de stigmatisation extrême et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui les touche très très profondément dans leur dignité. Et c'est pour ça, Greg, que si je reviens à la père aidance, qu'il y a un problème à la père aidance pour l'intégrer. Ça dépend des endroits, des hôpitaux locaux, parce que, comme tu viens de le décrire, en général, un rapport avec un psychiatre, c'est une infantilisation totale. On n'a plus d'autonomie, on n'a plus de pouvoir d'agir par soi-même, on est confisqué de tout, en particulier pour les psychoses, donc encore. Et la père aidance, ça se propose vraiment de réinstaller cette autonomisation, cet empowerment qu'on dit, cette reprise de confiance en soi et de capacité personnelle. Et c'est vrai, merci de l'avoir dit, parce qu'on ne le dit pas encore assez, mais 99% des gens qui vont à l'hôpital psy, en particulier contre leur gré, c'est une expérience terrible, quoi. Justement, c'est une expérience terrible. Justement, c'est pas la psychiatrie qu'on cherche, c'est plutôt de la création, de l'enrichissement, de l'amitié. C'est bien ce que dit Greg, ouais. Moi, je pense qu'il y a une rupture de l'isolement, il y a une reprise de confiance en soi créée par du lien social, parce que quand on vient à un atelier, il y a plusieurs personnes qui fréquentent ce même atelier, et donc il y a une possibilité de renouveler peut-être un peu l'estime de soi. Vraiment l'essence même de la personne, quand tu la laisses s'exprimer, quand elle a compris que dans l'accueil qui est fait, il n'y a aucune mesure qui sera prise contre elle, c'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté d'expression, de participation, une présence, peut-être, on va dire, une rencontre de l'existant, on va dire. Et toujours, pour rajouter un peu mon expérience actuelle, ayant eu un trouble, une difficulté sociale, je me suis retrouvée d'abord très très isolée, et pour finir, en fait, ce que je vis à la fois au moyen du bord et au remue-ménage actuellement, c'est justement une poche un peu de bien-être, quoi, avec d'autres gens et sans étiquette. Merci. Quand les gens ils vont pas bien, que vous croisez des gens pas bien, là, j'imagine que ça vous arrive quand même. C'est quoi un peu, vous les orientez, vous leur dites essayez d'aller voir là-bas, comment vous faites? Il y a déjà eu les pompiers qui sont venus, hein, plusieurs fois, hein, d'ailleurs. Hein. Par rapport à des gens qui sont tombés dans les pommes, des gens qui a fallu hospitaliser, et ben on fait appel aux pompiers. Hein. Enfin, je veux dire, les responsables, ils font appel aux pompiers, quoi. Enfin, il y a... Enfin, mais c'est pas ce et qu'on... par exemple, comment vous, je sais pas, vous arrivez à transmettre un peu des endroits où en crise comme ça, on pourrait aller. Vous arrivez à orienter un petit peu. Vous avez des pistes où finalement il y a un manque de ce côté-là ou non. Enfin, ça m'a. Il y a un manque de ce côté-là. Moi personnellement, on remue ménage. Si quelqu'un est en crise ou déjà quelqu'un qui est vraiment pas bien, qui veut me parler et que je lui demande déjà s'il a un thérapeute, il y en a qui n'ont absolument pas de thérapeute. Parce qu'ils n'en trouvent pas, et il y en a d'autres qui n'en veulent pas parce qu'ils n'ont plus confiance aussi. Mais pour quelqu'un qui est réellement en crise, mais moi personnellement, je serais vraiment, je ne sais pas si je saurais faire face, parce que on n'a rien pour les orienter, et je n'aurais pas envie d'appeler les pompiers ou quelque chose, parce que l'hospitalisation, j'en ai entendu parler. Bon. Par quelqu'un qui, chaque fois qu'il est hospitalisé, il se retrouve attaché. Et ça, eh ben, c'est encore un traumatisme après 10 ans sans hospitalisation. Il y a des protocoles en psychiatrie qui font que les gens perdent confiance, oui, aux soignants. Il me semble. Moi, je me permets de... Enfin, quand il y a, par exemple, je pense à un bénévole qui vient très souvent et qui a des soucis comme ça. Enfin, il a été diagnostiqué schizophrène et donc il doit suivre un traitement. Et lui, il se rebelle contre ça parce qu'il se dit mais pourquoi ils disent que je suis schizophrène. Si j'étais schizophrène, je pourrais pas faire tout ce travail de bénévolat que je fais remue-ménage. Enfin bon, il veut pas accepter en tout cas. Et donc, à un moment donné, il a arrêté de prendre son traitement et il s'est rebellé comme ça. Et donc, ils ont fini par l'hospitaliser de nouveau. Et après, il est ressorti. Et donc, régulièrement, il revient là-dessus. Il me dit ah, ils me disent que je suis schizophrène, je dois prendre mon traitement. Bon, moi, je suis pas psychiatre, donc tout ce que je fais, c'est que je lui dis écoute. Tu veux éviter les problèmes, et ben fais ce qu'ils te demandent, quoi, en gros. Parce que sinon, ça va finir comme la dernière fois. Ils vont venir te chercher et ils vont t'enfermer, quoi. Et je sais pas trop quoi lui dire d'autre, mais bon, après, il me dit ouais, bon, c'est vrai, t'as raison. La dernière fois, ça s'est pas bien passé, quoi. Et dans cette position un peu d'accompagnant, ça me pose aussi la question, du coup, quand on est pote, quand on est proche, quand on est de la famille, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, et qu'est-ce qu'on fait, et comment aussi on peut en parler, est-ce qu'il y a des structures un petit peu et qui accueillent là-dessus? Je n'en connais pas, même pour les familles, et ça ne se passe pas toujours bien dans les familles, c'est sûr. Mais parce que c'est questionnant. Le réflexe normal, c'est d'aller voir le psychiatre et de demander au psychiatre qui va traiter la personne, quoi. Je crois qu'il y a une structure, excuse-moi Thierry, mais je crois qu'il y a une structure pour les familles qui se trouve justement rue Michelet à côté de la Charité. Comment ? L'UNAFAM. Oui, l'UNAFAM, mais j'avais peur de dire une bêtise. C'est vrai, pardon. Parce que les gens que je connais, la maman va à l'UNAFAM et elle y trouve beaucoup d'écoute et je pense, dans ce qu'elle me dit, ça lui fait du bien. Mais après tout ça, il faut connaître. Personnellement, si un jour vous avez un souci, ne serait-ce qu'une dépression, ça peut quand même avoir des effets dévastateurs pour la famille. Mais quand vous-même vous êtes malade, déjà vous vous en rendez pas compte. Mais après, la famille, votre conjoint, il ne sait pas où s'adresser directement. Et déjà, eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Et de trouver un professionnel qui vous suit et en qui vous pouvez faire confiance et établir un lien pour vous permettre d'aller mieux, c'est quand même très dur. Et notamment quand on commence à se sentir pas bien à l'adolescence, qu'on dit il y a quelque chose qui cloche, qu'on essaye, qu'on navigue, mais il y a rien pour vous renseigner, il y a rien pour vous dire quoi, vous vous démerdez tout seul en fait. Ça m'amène un peu à ma question, c'est est-ce que vous connaissez l'existence ou est-ce que des fois vous le proposez aux gens qui passent aussi? Vous auriez des listes de thérapeutes comme ça, des conseils, des grilles de « Ah, tel thérapeute, finalement, il est plus ou moins bien, moi, il n'a pas fait avec moi, mais peut-être il le fera avec toi ». Tous les cas, au moyen du bord, ils ne cherchent pas du tout à avoir un contact avec la psychiatrie, quoi. En tous les cas, Virginie Lebeg, hein, elle veut pas de contact avec le psychologique dans au mais sens... même sur le conseil, c'est-à-dire j'imagine sur être capable d'être ressource et de pouvoir donner des pistes quand la les consolation mais, ça dépend du les stade hein. Les par contre l'orientation qu'on peut faire au moyen du bord elle est pas très développée, mais d'ailleurs je sais pas si c'est la politique de la ville qui s'y prête ou pas, mais il n'y a pas de rapport avec l'institution psychiatrique à Nord, il n'y a pas de rapport avec Rimbaud sur les problèmes des personnes qui sont addictes ou ce genre de choses. Il y a peut-être un manque de coordination. C'est vrai que la maison des usagers, qui est, dont le local est situé carrément sur le site du CHU, ils ont beaucoup, beaucoup de plaquettes d'informations de tel et tel, oui, allez là si vous avez tel problème, etc. Après, c'est vrai que ce qui est bien avec vous, le remue-ménage, c'est ce que tu disais au début, c'est que vous avez le CMP de la Charité et Bonafé à côté. Et que là, effectivement, ces trois structures, elles sont différentes, mais elles fonctionnent entre elles. Après, ce qui est dommage, c'est que le CMP, il va fermer. On a vu un changement du système psychiatrique à Saint-Étienne, tout ce qui était à Bellevue a fermé, ils ont tout envoyé à l'hôpital Nord. Saint-Jean-Bonnefond avait déjà fermé, ils avaient déjà construit un premier bâtiment à l'hôpital Nord. Les urgences psychiatriques, c'est pareil, c'est à l'hôpital Nord. C'est vrai qu'au niveau des orientations, et puis en plus, le problème qu'on a, alors d'accord, l'UNAFAM, mais la personne qui est concernée par une problématique de santé mentale est généralement pas très bien accueillie dans sa propre famille quand elle a cette problématique-là. Et c'est là où tout à l'heure je parlais de rupture d'isolement, c'est-à-dire que il faut pouvoir être amené, il faut le vouloir, il faut le pouvoir, c'est très compliqué, être amené à fréquenter les structures que nous on propose pour un accueil spécifique à ce public-là. Et c'est pour ça, parce que quand une personne est concernée par un trouble psychique, ce qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est que quand elle rentre en contact avec une personne qu'elle sait concernée par un trouble psychique ou le même trouble psychique qu'elle, son écoute et son attention à ce que va dire la personne n'est pas du tout la même que par rapport à une personne qu'elle a l'habitude d'assimiler à quelqu'un d'autre, de stigmatisant et d'ostracisant, qui rejette quoi, et qui juge. Mais c'est super déterminant, quoi, véritablement, quoi, pour l'écoute et l'échange, pour aller mieux, pour ouvrir des portes, quoi, vraiment, vraiment. Je voudrais juste insister sur quelque chose que tu as dit, Julie, et que je trouve très très important et en même temps très grave. C'est le fait que toutes ces structures qui reçoivent ces hôpitaux de jour, de la Charité, de CMP, de la Charité, l'hôpital de Bellevue, de Saint-Jean-Bonnefond ferme et qu'on centralise tout dans un grand hôpital, l'hôpital Nord, et donc en gros qu'on est on est en train d'essayer de nettoyer le centre-ville de toutes les personnes qui sont un peu différentes et qui vont faire c'est la désinstitutionnalisation et c'est un peu la chute libre de ce qu'on appelle l'ambulatoire. C'est-à-dire que des lieux qui sont en centre-ville et qui sont là pour accueillir ces personnes, et même d'autres qui ne le savent pas ou qui voudraient dire oui, mais c'est vrai que moi, personne ne me l'a dit, mais moi, je suis malade. Il n'y a plus cette liberté de circulation et ce courage pris à deux mains de dire ben, je vais voir mon psychiatre, je vais voir mon psychologue, je vais en ville et je participe à, et j'en profite à la pour vie aller dans la cité. Dans au GEM et pour aller au café, le remue-ménage, pour voir un spectacle, pour participer à un atelier. Et pour aller au cinéma tout seul comme un semblant de vie normale, quoi. Quelque chose de commun à tous. Et donc, je pense que ça, c'est. Voilà, c'est pas bon du tout, en tout cas, si on veut. Mais bah, après, ce serait bien qu'on pense à des trucs positifs comme le père à bord et tout ce qu'on va mettre en place. Tu m'alertes parce que moi, j'avais pas conscience. Ça se passe à Saint-Étienne, ce que tu dis, t'as cette impression. Mais c'est pas moi, une impression. Moi, je ne vivais pas comme ça parce que ça fait des années qu'on me parle de sectorisation et de sortie de la vision asilaire de la psychiatrie, quoi. Donc, au lieu de concentrer, on envoie les gens, on réinstalle, on implémente, on implante dans la cité. Mais où alors, vas-y. Ben, par des CMP, des. Mais si on va fermer celui de la Charité, ben, ouais, ben, on ben, ferme l'hôpital Bellevue, Saint-Jean-Bonnefonds, et on met, et finalement on fait tout pour que tous les patients aillent à l'hôpital Nord, dans le grand truc impersonnalisé. Mais de quoi. Toute façon, je crois qu'il y a une crise dans la psychiatrie. Il y a déjà, il manque de personnel, il manque de médecins. Alors c'est vrai que les psychiatres peut-être ne sont pas tous peut-être bien, j'en sais rien, je ne veux pas me permettre de juger, mais on sait qu'il y a une crise dans la psychiatrie. Combien de fois on entend dire que la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine? Et quand tu parles, Thierry, de père aidant, ça me fait penser, oui, de l'hôpital, et ça me fait penser aussi, tu vois, pour les autres maladies en prévention, il y avait ce qui s'était monté, l'éducation thérapeutique, par exemple, t'es diabétique, et il y a de l'éducation thérapeutique. Ça, si tu veux, dans les institutions, eh ben, ça coûte cher. Donc, il faut former des gens. Ça coûte cher. Le personnel, ça prend du temps. Mais il y a des patients maintenant qui se regroupent et qui passent des examens pour pouvoir... Il y a des examens. Il y a un DU de père aidance à l'Université Lyon 1, dispensé par Franck Nicolas, professeur d'université en psychiatrie. Et ça coûte cher, ça coûte cher. C'est quand même du travail intellectuel et beaucoup de plus-value et beaucoup d'économies sur l'hospitalisation. Ah, mais je suis d'accord. Ça, c'est la réalité. Je suis d'accord avec toi. Et un père aidant professionnel, tacitement, en première paye, il n'a le salaire d'un infirmier débutant. C'est pas exorbitant. Non, non. Mais je suis d'accord avec toi, Thierry. C'est ce qui est dit au diplôme. C'est ce qui est dit au DU. Moi, j'aimerais aussi rajouter par rapport au fait que la psychiatrie, c'est l'hospitalisation. Il y a le temps de l'hospitalisation, mais il y a surtout le temps après. Et dans l'hôpital, si c'est regroupé effectivement à l'hôpital, l'hôpital s'occupe actuellement pas énormément de ce qui se passe après, en fait, pour les gens. Il y a énormément, moi je côtoie quand même beaucoup de personnes en souffrance, les gens sont dehors, ils sont pas tout le temps à l'hôpital, on n'est plus effectivement hospitalisé à long terme. Donc il faut bien savoir qu'il y a tout ce temps-là à vivre. La psychiatrie est capable de vous relâcher, c'est-à-dire que vous êtes hospitalisé. On vous dit, votre famille n'aura plus le droit de venir vous voir. Vous êtes sous cacheton, pas mal. Et le lendemain, on vous dit, vous pouvez sortir et votre conjoint n'est même pas prévenu. Et c'est à votre conjoint à trouver un psychiatre en urgence, de par la voisine, de par des connaissances. Et heureusement, le psychiatre, c'est quelqu'un de bien et qui est contre les hospitalisations. Donc effectivement, tout dépend du trouble que vous avez, mais la psychiatrie est... Il y a un manque d'accompagnement dans les parcours de soins des personnes qui ont été hospitalisées ou qui ne l'ont pas été d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup d'attentes de personnes. L'OMS a dit, l'Organisation Mondiale de la Santé, dans le monde, une personne sur trois peut avoir un trouble psychique dans sa vie. C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, oui et non, parce que si on met aussi dans le terme trouble psychique, si on met tous les gens qui sont en burn-out, si on met toutes les dépressions, il faut savoir qu'avec ce qu'on vit actuellement, la société qui est actuellement, je trouve que c'est une société qui est très brutale. Moi, j'ai énormément peur pour les jeunes, c'est que si vous n'êtes pas armé psychologiquement, vous rentrez tout de suite dans le processus de maladie mentale avec personne pour vous aider au bout du compte parce qu'il manque de professionnels, ou alors vous pouvez trouver des psychologues, mais il faut avoir un portefeuille est bien rempli aussi. Tout le monde ne peut pas payer des séances de psychologue. Il y a tout un tas d'accompagnements qui peuvent se faire, l'hypnose, le MDR, etc., etc. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et effectivement, quand on rentre dans un processus de difficulté mentale, on rentre aussi dans un processus de difficulté sociale et de précarité. Parce que ça limite effectivement aussi des investissements dans sa vie personnel. Tout à fait. Et des difficultés de tous les jours. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai 5 euros pour bouffer, etc., etc. Bon, écoutez, je suis obligé quand même d'amener vers une sorte de pause musicale ce débat qui est certes passionnant. Et après ça, on fait un petit moment agenda pour imaginer peut-être ces semaines d'information sur la santé mentale comme des points de croisement possibles pour imaginer des trucs encore plus fous et encore plus folles comme ça. Ok, on tient. Allez, ailleurs. Le climat, c'est l'évance, le final, notamment. Le génial, ici, le roman, c'est gagner que l'homme est venu l'enfant. Donne la pluie riche, donne le chemin. Que mon bien enfance, le signe sans une âme. Et là, c'est ça, c'est de qui la gritane. Et là, on est tout le monde, je suis de femme. Et là, ici, il y a vite, on a mis la gueule, on a pris la sa fin. Nous sommes une amende. Et puis, la rage, c'est de qui la gamin. Et donc, il y a la femme, il y a le con, il y en a brayé. Ça, le débat, puis, n'a qu'une été. C'est l'ami qui m'a réussi, ils ont veillé. C'est le mec qui m'a réveillé, il est devenu trigné. C'est la clé caméronnée, c'est la grande mine, très bien, c'est lui, vêtiné. J'ai neuf fait l'antenne, c'est la mine, l'humanien. J'ai tout manier, les petits d'un petit père, j'ai l'origine du fer. J'ai l'air du petit danser, les petits mousses, les mousses, un ami, un millier du maquin. La piratum, c'est le tout, c'est le miol. C'est le deck de ce millier, le deck de ce millier, le deck de ce millier, le deck de ce millier, le deck de ce millier, le deck de ce millier, le deck de ce millier, le deck de ce millier. Qui est le camis, c'est le chile qui n'aime. Il a dit qu'une inani, c'est une soise, il a dit c'est une folle. C'est une adie sa face, des génial, c'est une génie, c'est une amène. Le tir en lus, c'est une adie d'un. Il a dit crémion, c'est une manion, il a le chibon, des dardan. Il a dit stana, yana. Il a dit n'a qui l'a, c'est le chinan. Il a dit si n'est pas comme, mais au grand brillant. Il a dit qu'un icône, il a dit c'est la France. C'est une adie d'un bon. Il y a la vita du Kunal, il habite à Gros Nicolas, si on a nian. Voilà qui est à bien, vous camiez, qui c'est là, des familles, mitré en mer. Et là, si là, je suis mitina, c'est divine, la mitré, mais comme il. Que la vie d'un mien père, il a dit, j'ai du vent, mitré, nia, c'est l'impinant. Dignon, non. Yo, yo, yo, yo, yeah. Yeah. Yo, plus fort, j'entends rien, en forme de réflexion sur la santé mentale, touche à, bientôt à sa fin, c'est le moment de l'agenda. Alors, du coup, les semaines de l'information sur la santé mentale, c'est de quand à quand ? Eh bien, alors, on a, au niveau national, c'est du 7 au 20 octobre, mais moi, on a travaillé au préalable avec Pauline Chassin, donc qui est... Qui organise la SISME à Saint-Étienne et qui nous a rajouté 15 jours parce que l'année dernière il y avait du monde et qu'il y avait des doublons et que c'était pas sympa qu'il y ait des gens qui aillent plus là ici ou ci ou là. Et donc voilà, c'est du 20 septembre au 20 octobre avec la plénière qui est annoncée le 24 septembre donc au CDOS vers Centre 2 où nous il y a une après-midi où des ateliers vont être proposés sur de la formation donc d'abord pour les GEM, ce que c'est qu'un GEM, après sur la pérédance et le rétablissement et après je crois qu'il y a les équipes mobiles et les CMP, CATTP. Pour aller à cette plénière, je crois si vous avez le livret. Les livrets qui devraient être disponibles en gratuité dans les lieux concernés par la SISME, au moins ceux qui s'y investissent. Je pense qu'il y a une adresse à laquelle vous pouvez vous inscrire pour la journée. Au moyen du bord, vous proposez quoi, vous ? Alors nous, ce qui est bien, on est riche en investissements cette année. On a la chance d'avoir deux artistes, trois artistes. Enfin, une artiste qui est photographe, Sandrine Meulière, qui va faire des ateliers, donc c'est en progression, plusieurs ateliers photo. Où c'est marqué d'une exposition voir au-delà. Elle appelle son exposition. À la fin, sur une restitution des ateliers, elle proposait une exposition en collaboration avec les deux autres artistes qui proposent des ateliers slam, qui sont Script Zone et Slam Dog Visionnaire, qui organisent sur le même principe avec des ateliers participatifs et une restitution en même temps que la restitution de l'exposition le 26 octobre à l'Aléatronome de Saint-Étienne. Donc ça, c'est ce que vous proposez à l'Aléotronome. Du côté du remue-ménage, vous proposez quoi, vous, dans le cadre de ces semaines d'information sur la santé mentale ? Alors déjà, tout le partenariat avec vous, Radio Dio, donc on va faire des écoutes collectives des émissions qui vont être transmises par Radio Dio. Donc c'était hier, demain et la semaine prochaine, mardi et jeudi. Tous les mardis et jeudis à 16h. Exactement, à 16h. Vous êtes tous conviés et toutes conviées à Remue Ménage pour qu'on écoute tous ensemble ces émissions passionnantes en rapport avec la santé mentale. Et d'ailleurs, on a les réalisatrices du documentaire sonore Barge qui viennent mardi 24 à 16h et qui viennent justement pour écouter avec nous leur documentaire et avoir éventuellement un petit nos retours et un débat à la suite. Qui sera impromptu, du coup. Et on a évidemment le grand débat sur la pérédance qui se tiendra le vendredi 27 et avec donc les moyens du bord et Père à bord. Et enfin, il y aura une restitution de ce débat au mois d'octobre. J'ai pas la date sur moi, là. Et ça sera mercredi, comme aujourd'hui, à midi. Mercredi 16 octobre, non, c'est pas ça. Ouais, mercredi 16 octobre, à midi, à Radio Dio. Et là, donc, les principaux participants du débat seront là et feront une restitution de ce qui aurait été dit pendant ce débat. À part ça, par exemple, ce soir aussi, au remue-ménage à 20h, je veux quand même dire qu'on reçoit une association qui accompagne les enfants autistes, qui s'appelle le Cartable de Rico, et qui propose des activités d'accompagnement pour les enfants qui sont atteints de ce trouble TSA. Et on peut aussi mentionner l'atelier Café Mortel, qui propose des discussions et des réflexions à propos de la fin de vie et l'accompagnement aussi des personnes qui sont justement en fin de vie et aussi les problèmes liés au deuil. Enfin, le problème. Je t'interromps, Greg. Le Café Mortel, je peux me permettre de t'interrompre, j'y participe. En fait, on parle de la mort en général. Il y a une autre association qui parle justement de l'accompagnement, etc. Mais nous, on parle de la mort en général. Et il faut savoir que c'est aussi... Il va y avoir une association pour créer une coopérative funéraire sur Saint-Étienne. Voilà, donc, pardon, j'étais pas assez précis sur la mort, mais aussi parfois sur le deuil, etc. Et voilà. Et à part ça, bon, ça n'a rien à voir, mais samedi soir, il y a une jam latina. Et si vous aimez bien danser et faire la fête, eh ben, c'est l'occasion. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, au remue-ménage, on a 10 événements par mois, plus 20 ateliers réguliers. Et tout est gratuit et sans inscription. C'est pas fou, ça. Et alors, pour finir, si vous avez jeté un œil un petit peu sur la programmation des semaines d'information sur la santé mentale, est-ce qu'il y a des points de rendez-vous, vous, que vous tenez particulièrement à souligner, outre ce que vous organisez, non, des moi, trucs qui oui, vous moi, paraissent bien particulièrement si intéressants? Trop ça, Julie, je peux? Parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le projet de convergence des ateliers d'écriture et son de Jean-François. Il sera installé lors de la plénière le 24 septembre. Je ne sais plus exactement. Mais aussi, on fait une exposition Borderline du 6 au 18 octobre au Musée d'Art et d'Industrie où le cube. Voilà, un cube, c'est un cube qui représente l'enfermement un peu pour une personne soumise à un trouble psy, le cube. Et il y a des spots lumineux sur toutes les arêtes. Et quand on rentre dans le cube, on coupe ces spots lumineux et ça émet des phrases enregistrées par des personnes concernées qui ont écrit une phrase sur leurs souhaits, leurs désirs. Et voilà, pour simuler un peu l'environnement, un peu des ch'treleleux, comme il dit mon frère. Voilà. C'est un projet sonore qui a été monté par Jean-François Majard, donc, qui est notre intervenant son, nous, au Contentrail voilà. Des Moyens du Bord. Et en faisant venir toutes personnes concernées, en leur faisant bien réfléchir à une phrase qui leur est chère, qui leur évoque des choses, qu'ils ont envie d'exprimer, et voilà, et ça sort comme ça. Et il y a eu des participants, donc il y a pas mal de matériel sonore, quoi. Merci en tout cas pour votre participation. Merci. Un dernier petit mot, si vous voulez rajouter un petit mot, un message, ce que vous voulez. On est sur la radio, profitez-en. Alors moi j'ai juste envie, après avoir discuté avec Youssef aussi, de donner comme impression avec le remue-ménage, le lien avec le moyen du bord et le remue-ménage, que quand on vient aussi au remue-ménage, on vient pas seulement parce qu'on a une pathologie psychique, mais on vient parce qu'on veut aussi faire la fête, on veut participer, rencontrer des liens. Donc c'est aussi important que le remue-ménage nous accueille sans cette étiquette. moi, je veux juste préciser que la maladie mentale ne se voit pas au faciès. Donc déjà, le remue-ménage, c'est un accueil inconditionnel. Donc, il n'y a pas de questionnaire à l'entrée. Donc, venez. Bah, moi, je veux dire merci à Radio Dio. Merci. Et vive les moyens du bord. Vive Père à bord. Et vive le remue. Ouais. Merci à tous. Dans ta bulle musicale, tu tournes et retournes sur toi-même de là.